de l'amour, s'il y a de l'amour, s'il y a de l'amour, il naviguera tous les jours que la vie a pu m'enlever sans même me consulter. S'il y a d'amour, s'il y a d'amour, qu'il soit. S'il y a d'amour, s'il y a d'amour, qu'il soit. S'il y a de l'amour, s'il y a de l'amour, s'il y a de l'amour, qu'il pleure dans un cimetière d'esprit jamais revenu, qui ne reviendront jamais, jamais plus. D'amour, s'il y a de l'amour, qu'il soit. S'il y a de l'amour, s'il y a de l'amour, qu'il soit. S'il y a de l'amour, s'il y a de l'amour, s'il y a de l'amour, l'ombre de mon ombre m'attendra, rien ne pourra plus l'effacer, sauf les nuits d'été. S'il y a de l'amour, s'il y a de l'amour, qu'il soit. S'il y a d'amour, s'il y a d'amour, qu'il soit. S'il y a d'amour, s'il y a d'amour, qu'il soit. S'il y a d'amour, s'il y a d'amour, qu'il soit.